Troisième partie. Je vous présente ma famille. Voilà ma femme. Bonjour. Je m'appelle Yvonne Delon. Je suis française. J'ai 42 ans. Je suis infirmière. Au revoir. Voilà ma fille. Bonjour, je m'appelle Valérie. Je suis française, moi aussi. J'ai 19 ans. Je suis secrétaire. À bientôt!